Je suis née le 7 avril 1907 à 5h du matin. Vous m'avez déclaré le 8. Je devrais me réjouir d'avoir commencé mes premières 24 heures hors des registres. Au contraire, mes 24 heures sans état civil m'ont intoxiquée. Je suis moche. Un canal pour me recevoir s'élargirait. Je souffre dans les entrailles de ma grande bouche, de mon gros nez, de mes petits yeux. Plaire, se plaire, le double esclavage. On n'est jamais content de ce qu'on a. J'écris des phrases d'asthmatique, c'est-à-dire des phrases très courtes. Mon rêve d'écrivain, ce serait écrire des périodes à la Bossuet, des développements à la Jean Genet. Je n'irai pas jusqu'à Proust, mais si j'écrivais comme Genet, évidemment, je serais folle de joie. Mais hélas, je n'y parviendrai pas, c'est plus fort que moi, il faut que je coupe. Et donc on coupe. Bonjour Anaïs Franz. Bonjour Adèle Van Rett. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous pour nous parler de Violette le Duc. Est-ce que l'écriture asthmatique, c'est ce qui caractérise le mieux son type d'écriture? Je pense que c'est une très bonne entrée en matière de commencer par à la fois le texte de la bâtarde, où elle raconte, c'est le récit de sa naissance illégitime, non reconnue. Et puis ce commentaire de... c'est intéressant parce que tout d'un coup, dans ce qu'elle dit, lorsqu'elle va parler de ses petites phrases, elle raconte que c'est sa mère qui lui aurait impulsé ce rythme des petites phrases en lui disant toujours qu'elle avait une énonciation trop lourde, trop... Et donc, Violette le Duc aurait impulsé par sa mère, la mère castratrice, qui soudain lui donne un souffle dans la littérature. Et celle qui va prendre la place de cette mère féconde pour la littérature, c'est bien sûr Simone de Beauvoir. Mais je crois qu'on part en effet de qu'est-ce que c'est l'énonciation littéraire d'une bâtarde. On est déjà dans la question de la rencontre, en fait. L'énonciation, c'est un « je » qui s'adresse à un « tu ». Et ce « tu » doit entendre, il doit reconnaître le « je » pour lui donner existence. Et qu'est-ce que l'enfant illégitime? C'est celui qui n'est pas reconnu. On sent ça très très bien dans le premier roman de Violette le Duc, hein, qui et c'est cette première parole suffoquée, comme dirait Sarah Kaufman. L'énonciation de l'asphyxie est extrêmement puissante de ce côté-là. Donc je précise que l'asphyxie, c'est le nom du premier roman qui paraît en 1946. Exactement. J'ai lu au tout début d'émission un très court extrait de La Bâtarde qui paraît en 1964. Et on a aussi L'Affamée en 1948 qui raconte sa rencontre avec Simone de Beauvoir. Ravage, au fond je dis les titres parce que les titres sont en eux-mêmes emblématiques de ce qu'on trouve dans l'œuvre de Violette le Duc. Ah oui, il manifeste complètement la question de l'énonciation bâtarde. Et le positionnement social problématique qui fait que qu'est-ce que c'est publier en tant qu'écrivaine bâtarde et la nécessité d'avoir une reconnaissance de quelqu'un. C'est le rôle que va jouer Simone de Beauvoir qui retourne en fait la position de la mère qui écrase, parce que dans l'asphyxie on a cette énonciation verticale, les mots de la mère qui tombent sur l'enfant comme des coups, et il n'y a jamais de dialogue. Et donc ça déjà, ça appelle Thérèse et Isabelle, où le dialogue va jouer un rôle très important. Mais c'est aussi la rencontre pour Violette le Duc, ça va être d'avoir tout d'un coup un « tu » qui entend. On pense à Gayatri Spivak, hein, les subalternes peuvent-elles parler? Parler, ça veut dire pouvoir être entendu. Énoncer, c'est pas uniquement un jeu qui parle, mais c'est un jeu qui peut être reconnu comme jeu. Vous êtes Anaïs Franz, vous enseignez la littérature et les études de genre dans plusieurs universités américaines et également en tant que chercheur associé au sein du groupe Violette le Duc de l'ITEM. Vous avez dirigé deux ouvrages et co-dirigé aussi autour de Violette le Duc, Genèse d'une œuvre censurée aux presses Sorbonne Nouvelle et Lire Violette le Duc aujourd'hui aux presses universitaires de Lyon. Violette le Duc est peu connue aujourd'hui, peu enseignée. Comment l'avez-vous rencontrée, puisqu'on parle de la rencontre? Ça, c'est intéressant parce que ça me renvoie à ma rencontre avec la cinéaste Esther Offenberg qui a tourné un très beau film documentaire sur Violette le Duc en 2013 qui avait été diffusé sur Arte. Et on s'était rencontrés au même endroit, en fait, dans notre relation à l'œuvre de Violette le Duc. Moi, j'ai trouvé la bâtarde dans la bibliothèque de ma grand-mère qui est juive. Et toute la question des origines mixtes. qui était, voilà, c'est un lieu qu'on partage avec Esther Offenberg, et notre rapport à la bâtarde, à Violette Le Duc, à son œuvre, venait de là. Et c'est intéressant parce que souvent, on vient de la question de la sexualité ou de l'homosexualité. Et nous, c'était vraiment la question de la bâtardise. Et elle avait lu un de mes articles où je travaillais sur de la bâtardise à l'autorité. Et donc, c'était vraiment cette question, comment est-ce que une énonciation bâtarde peut être reconnue? Il y a une malédiction qui pèse sur l'œuvre de Violette Duc. C'est la malédiction qui pesait sur la lignée de femmes seules et de filles mères dont elle était issue. Sa grand-mère disait « L'amour, ce n'est pas notre destin ». Et on imagine bien que, édité par Simone de Beauvoir, Violette Duc va chercher à s'émanciper de ce destin. Et Violette Duc est une grande amoureuse. Oui. Mais cet amour ne peut se manifester en dehors de cette contrainte sociale qui va le ramener au ravage, à l'asphyxie. Voilà, donc il y a cette tension fondatrice, et donc on est obligé de commencer par là. Avant de découvrir un extrait de Thérèse et Isabelle, c'est le texte qui va nous accompagner aujourd'hui, on parlera des autres textes évidemment, mais il y a une vraie rencontre ici entre ces deux jeunes filles. Rappelons que Violette Le Duc a inspiré beaucoup d'auteurs et d'autrices contemporaines, notamment Annie Ernaux, sur le thème des mères-filles, de la honte, des bâtardes, des avortés, et on peut même dire que ce roman, Thérèse et Isabelle, introduit une sorte de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un regard féminin sur un autre corps, un regard plein de désir, mais qui ne ressemble pas au regard auquel on est habitué dans l'histoire de la littérature, y compris quand ce sont censés être des rencontres entre un homme et une femme, c'est souvent du point de vue de l'homme. Ici, non seulement c'est une femme qui rencontre une autre femme, mais on pourrait presque dire que le regard est en lui-même féminin. Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïs France? Oui, je pense que Violette Le Duc parlait de Genet dans l'extrait que vous avez fait entendre tout à l'heure. Et Genet, il dit, je crois que c'est dans le journal du voleur, qu'il ne descend pas de Ève ni d'Adam, il descend du serpent. Violette Le Duc et Jean Genet sont deux auteurs bâtards, et ils vont tous les deux révolutionner la prose poétique amoureuse et érotique. Je crois qu'ils apportent un point de vue marginal. Autre, une sorte de troisième genre qui va faire exploser tous les repères et qui, évidemment, annonce ce qu'on appelle aujourd'hui le queer. Et le terme bizarre est beaucoup utilisé dans l'histoire de la censure de Ravage. Bizarre, hein, en anglais, queer. Donc, il y a un déplacement des repères de genre. Et quant au regard, évidemment, Violette Duc va vouloir apporter un regard sur le sexe féminin. C'est en fait toute l'histoire de Thérèse et Isabelle, la progression, la quête qu'il y a dans ce roman, ça aboutit à la confrontation, au face-à-face avec le sexe féminin, cette méduse dans l'histoire. On va écouter un extrait donc de cette rencontre qui commence par une grande haine ressentie par Thérèse pour Isabelle. Écoutez le texte lu par Maëlys Ricordeau. L'impudeur, c'est l'hypocrisie, c'est la dérobade. Ce qui est dit avec audace, mais avec tact, avec franchise, n'est jamais impudique. Une nuit, je m'étais levée à 2 heures. J'avais traversé l'allée. J'avais retenu ma respiration. J'avais écouté son sommeil. Elle était partie. Elle se moquait de moi jusque dans le sommeil. J'avais serré son rideau. J'avais encore écouté. Elle était absente. Elle avait le dernier mot. Je la détestais, entre sommeil et éveil. Dans la cloche de 6h30 du matin, dans le timbre grave de sa voix, dans le bruit et l'écoulement de ses eaux de toilette, dans sa main qui refermait la boîte de savon dentifrice. On n'entend qu'elle, me disais-je avec entêtement. Je détestais la poussière de sa chambre quand elle faisait glisser le ramasse-poussière sous mon rideau, quand elle tapotait sur la cloison, quand elle enfonçait son poing dans la percale de son rideau. Elle parlait peu, elle faisait les mouvements commandés au dortoir, au réfectoire, dans les rangs. Elle se retranchait. Elle réfléchissait dans la cour de récréation. Je cherchais d'où lui venait son arrogance. Elle était studieuse, sans elle et sans suffisance. Isabelle dénouait souvent la ceinture de mon tablier. Elle jouait à l'hypocrite si je me retournais. Elle commençait la journée par cette taquinerie de petite fille et tout de suite renouait la ceinture dans mon dos, m'humiliant deux fois au lieu d'une. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons des rencontres amoureuses cette semaine et aujourd'hui de l'œuvre de Violette Le Duc, Thérèse et Isabelle, les deux jeunes filles qui sont dans un pensionnat et qui se retrouvent. Ce début est aussi le début du roman Ravage, qui a été refusé en réalité. Finalement, c'est ce que Violette Le Duc racontera, Naïs France. Elle écrit « Ils ont refusé le début de Ravage, c'est un assassinat. Ils n'ont pas voulu de la sincérité de Thérèse et d'Isabelle. La censure tranche vos feuillets, elle part sans être venue. C'est une guillotine cachée. Elle va même jusqu'à comparer cette censure à une forme d'avortement. » Les mots sont très forts. Oui. Et elle a raison. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que Gallimard censure en censurant cet épisode, en excisant en quelque sorte le roman Ravage, comme on a pu le dire dans les études féministes et lesbiennes. Qu'est-ce qui est illisible, qu'est-ce qui est inaudible dans l'épisode de Thérèse et Isabelle pour le comité de lecture de Gallimard? C'est peut-être que celle dont l'amour n'était pas le destin trouve, Thérèse, trouve le paradis, et elle le trouve complètement en dehors des structures patriarcales. C'est le moment actuellement de rappeler qu'est-ce que les structures de la domination, de relire peut-être l'idéologie raciste de Colette Guillaumin. Le dominant a besoin, pour se définir comme dominant, de s'opposer, d'exclure ce qu'il va définir comme dominé. Et ce dominé doit être ravagé, asphyxié, affamé. Vous aviez raison de souligner le caractère non riant des titres de Violette Duc, comme Simone de Beauvoir le disait. Et ces titres contiennent cette position sociale qui est celle de l'écrivaine bâtarde. Et or, dans Thérèse et Isabelle, qui constitue le début du roman de formation qu'est Ravage, eh bien, Thérèse trouve le paradis entre les jambes d'Isabelle, et c'est une source, une régénération très puissante, une source d'images poétiques et de jouissances infinies, qui est insupportable à une structure sociale qui détermine le destin des enfants bâtards ou des filles mères, comme contraire à l'amour et au bonheur. Mais le problème est-il l'homosexualité ou, comme l'écrit Simone de Beauvoir, le fait qu'elle décrive par le menu comment une fille en dépucelle une autre, est-ce qu'elle fait avec ses doigts, est-ce qu'il en découle dans le sexe de l'autre un tas de tripatouillages atroces qu'ensemble elles inventent avec du sang, de l'urine et ainsi de suite? C'est l'obscénité physique ou c'est l'homosexualité le problème? Alors oui, il y a un dégoût profond face à l'expérimentation, à l'exploration de Violette Duc dans la langue, cet érotisme qu'on n'a jamais lu, qui est hors cadre par rapport à l'érotisme littéraire qui existe avant Violette Duc. Et donc, il y a une sanction par rapport aux limites de... Alors, la pudeur, c'est compliqué. C'est intéressant dans l'archive qu'on entend. Oui, elle disait qu'il n'y avait rien d'impudique tant qu'on était sincère, au fond. Oui, et je crois que c'est lié à la manière dont la rencontre intervient dans l'œuvre de Violette Duc. Il y a quelque chose d'agressif dans le face-à-face, et en même temps, il y a une fascination. Et c'est là qu'on voit que Violette Duc, elle va travailler la littérature à partir de cette énonciation. Elle dit qu'elle déteste Isabelle. En même temps, dans l'énonciation, tout est signe de fascination et elle entend, c'est-à-dire que la présence d'Isabelle, elle a envahi entièrement son univers. Isabelle, elle est là, elle est dans la cloche, elle est dans l'écoulement de ses eaux dans les toilettes, elle est dans les bruits de la boîte du savon dentifrice, elle est partout. Et qu'est-ce qui fait... comment Thérèse va passer de l'affrontement à l'abandon et à la rencontre de l'autre. La pudeur, c'est peut-être préserver l'espace de la rencontre. Ne pas... Ça paraît paradoxal parce que Thérèse et Isabelle pourraient illustrer le mythe de Platon dans le banquet, le mythe de l'androgyne ou du gynogyne, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, mais le mythe de cette amour-fusion. Et en même temps, il y a, pour qu'il y ait érotisme, pour qu'il y ait désir, il faut qu'un espace soit préservé. C'est peut-être ça la pudeur pour Violette Duc, c'est garder l'apparition de l'autre. Et la littérature pourrait peut-être accueillir cette autre comme dans son apparition, dans ce qu'il interrompt de l'univers habituel. Isabelle me tira en arrière. Elle me coucha en travers de l'édredon. Elle me souleva. Elle me garda dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entr'ouvrirent les miennes, souillèrent mes dents que je serrais. La langue trop charnue m'effraya. Le sexe étrange n'entra pas. J'attendais, absente et recueillie. Les lèvres se promenaient sur mes lèvres, des pétales m'époustaient. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, me disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche. Elle encerclait le trouble. Elle mettait un baiser frais dans chaque coin. Elle déposait deux notes piquées. Elle revenait. Elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières. La rumeur des coquillages trop vaste. Isabelle continua. Nous descendions nœud après nœud dans une nuit au-delà de la nuit du collège, au-delà de la nuit de la ville, au-delà de la nuit du dépôt des tramways. Elle avait fait son miel sur mes lèvres. Les sphinx s'étaient rendormis. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer. Anaïs France, ce qui frappe dans ce texte, c'est la rencontre entre une dimension presque mystique. J'ai su que j'avais été privée d'elle avant de la rencontrer, comme s'il y avait quelque chose qui, de l'ordre de la destinée ou quelque chose, un désir qui était là avant même la rencontre. Et en même temps, des descriptions qui sont très, très physiques et très crues. Et ce mélange entre la poésie, la rumeur des coquillages et en même temps le côté organique du texte fait de cette rencontre quelque chose de vraiment particulier. Oui, c'est tout à fait ce que Violette Duc a cherché. En écrivant Thérèse et Isabelle, et c'est l'invention d'un érotisme qu'on ne connaissait pas, à moins de considérer le Cantique des Cantiques ou la Divine Comédie comme des textes érotiques peut-être, mais c'est l'érotisme pour Violette Duc, c'est une grande affaire, ce n'est pas un genre marginal ou un genre léger ou... C'est sacré. L'érotisme est sacré et elle travaille dans l'écriture de façon à élever tout en restant extrêmement près du corps. Et c'est même plus que l'organique, c'est vraiment le charnel. Et toutes les images qu'elle va déployer, développer, vont emmener Thérèse et Isabelle dans une sorte de continuité avec le monde animal et végétal. Qui correspond à un vécu de l'amour très différent de l'érotisme tel qu'on l'a représenté pendant des siècles. Et c'est peut-être ça le paradis sur Terre, c'est cet univers de sensations. Violette Duc cherchait à écrire ce que ressent une femme dans l'amour physique. Et pour cela, elle a travaillé pendant des années. Et la rencontre dans Thérèse et Isabelle, il ne faut pas oublier que c'est aussi la rencontre de la plume et du papier. Elle part vraiment de la rencontre des corps, du frottement. Nina Bouraoui, elle dit très justement que Violette Duc, c'est un univers de frottement. Et c'est le feu, hein, c'est la rencontre des corps qui produisent de la chaleur et du plaisir. Et Violette Duc écrit pour quelqu'un qu'elle aime, mais elle écrit aussi d'abord pour la page, pour ce papier. Il y a cette très grande humilité du travail littéraire de Violette Duc qui touche au cosmique, au mystique, au sacré. Et ça fait toute la singularité de son travail et de l'érotisme qu'elle propose et qui, évidemment, c'est intéressant parce que Pauvert, à qui on propose le texte, n'est pas du tout intéressé par cet érotisme-là, alors qu'il vient de publier Histoire d'eau. Donc c'est parce que ce sont deux femmes que ça dérange? Je vous repose la question à nouveau frais. Est-ce que c'est parce que c'est un érotisme trop sale, soi-disant, ou est-ce que c'est parce que ce sont deux femmes? Qu'est-ce qui dérange dans le texte au moment où il doit paraître et qu'il est censuré? Alors, il y a plusieurs... Est-ce que c'est le premier roman lesbien, vraiment? Disons que Violette Duc parle de sexualité comme un homme. C'est la... Ah. C'est ce que vont dire Claude Lanzmann, Simone de Beauvoir... Elle a une franchise qui est soutenue par Simone de Beauvoir. Faut pas oublier que Beauvoir a publié en 49 Le deuxième sexe. Thérèse Isabelle, Violette Duc commence à l'écrire en 48, c'est-à-dire qu'elles travaillent en même temps. Elles ont devant elles un bloc énorme qui est celui de la situation des femmes, de leurs conditions sociales, mais aussi dans la littérature. Et ce bloc, elles vont l'attaquer à la pioche. Quand on lit les manuscrits de Violette Duc, on voit qu'elle écrit énormément, elle développe beaucoup, et puis elle travaille à affiner, à rendre légères ses images, mais son premier jet, c'est vraiment, elle y va à la pioche, à la truelle, elle écarte les lèvres d'Isabelle, elle veut écrire dedans, elle veut se confronter à la viande d'un sexe de femme. Il y a une manière de considérer ce corps féminin qui est... Elle s'approprie le regard masculin, qui est quand même une prérogative masculine entre toutes, le pouvoir du regard. C'est Nancy Houston, hein, des siècles d'art, un homme regarde, une femme est regardée. Oui, c'est pour ça que je vous parlais en début d'émission de ce regard féminin. Je faisais allusion au female gaze, le livre d'Iris Bray notamment, qui récemment a essayé de théoriser ce regard dont on aurait besoin au cinéma, le fait que ce soit un regard de femme qui se pose sur un homme ou sur une femme, mais qui change la perspective sur le corps. Et ça s'applique, me semble-t-il, à ce que fait Violette Le Duc en littérature. Oui, oui, oui, bien sûr. Sans essentialiser le féminin pour autant, bien sûr. Oui, alors moi, ce qui me... là, quand j'essaye d'être aussi juste que Violette Le Duc a essayé d'être juste en cherchant toujours le mot exact, l'authenticité de ses images, c'est que chez Violette Le Duc, tout est toujours plus compliqué, c'est pas entièrement... voilà, et c'est ce point de vue de la bâtarde que moi, que je rattache vraiment à, ouais. à Genet, le serpent. Il y a quelque chose toujours d'un peu de biais qui fait que... elle nous emmène toujours ailleurs. Mais c'est sûr qu'il y a un dégoût qui est provoqué par son texte. Et il faut savoir que Ravage n'est pas censuré uniquement pour l'épisode Thérèse et Isabelle. Hein. Il y a d'autres éléments dans le roman qui vont être coupés. Et qu'il me semble que ce qui dérange, c'est que ce roman de formation féminin commence par la... Alors qu'on pourrait s'attendre à la naissance bâtarde, ce qui viendra plus tard dans son autobiographie, ça commence par cette naissance dans la rencontre avec Isabelle, la naissance, trouver le paradis sur terre, et puis et une initiation amoureuse, parce qu'il y a quand même une scène de défloration qui est, quand on lit tous les récits amoureux du 19e siècle, la scène de défloration, la nuit de noces est toujours un épisode... voilà, c'est une vie de Maupassant, c'est Madame Bovary de Flaubert. Et là, c'est une défloration entre deux jeunes filles de façon tout à fait païenne et inédite. Et puis, ce qui dérange le comité de lecture de Gallimard, c'est aussi cette initiation qui est suivie d'une formation de Thérèse qui ne va pas du tout là où on l'attend. Elle s'émancipe de son destin, toujours, elle cherche d'autres voies, et Ravage se termine par un avortement qui est décrit comme une renaissance. C'est-à-dire qu'on commence avec cette naissance de Thérèse avec Isabelle pour terminer sur la renaissance d'un avortement. Évidemment, c'est un avortement clandestin. C'est une destinée féminine totalement inacceptable et qui va contre les attentes et qui sort du cadre complètement. Bah, qu'est-ce que t'as ? Je voudrais te demander un truc. Bah viens. Viens, Marie. C'est difficile. Bon, j'y retourne. Il est pas mal, non? S'il est relou, je te fais signe. Tu vas me sauver? La naissance des pieuvres, c'est le titre du film réalisé par Céline Sciamma en 2007 qui raconte la naissance du désir entre deux adolescentes sur fond aquatique, hein, puisque l'une des adolescentes incarnée par Edel Haenel fait de la natation synchronisée. Et les pieuvres désignent à la fois les jeunes danseuses et leur désir, disons, naissant. Et les pieuvres, c'est exactement l'image qu'emploie Violette Leduc dans Thérèse et Isabelle pour évoquer le désir. Elle dit, elle écrit, on rampe dans mon ventre, j'ai peur, j'ai une pieuvre dans le ventre. La pieuvre dans mes entrailles frémissait, écrit-elle plus loin. Isabelle buvait au sein droit, au sein gauche, je buvais avec elle, je m'allaitais de ténèbres quand sa bouche s'éloignait. Les doigts revenaient, encerclaient, soupesaient la tiédeur du sein. Les doigts finissaient dans mon ventre en épaves hypocrites. Un monde d'esclaves qui avait même visage que celui d'Isabelle éventait mon front et mes mains. Et tout se joue dans cette image de la pieuvre, Anaïs Franz. Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il faut la souligner et la développer un petit peu. La pieuvre, ce n'est pas la méduse, cette représentation mythologique du sexe féminin effrayant. Alors, on se souvient qu'Hélène Cixous, précisément à l'occasion d'un hommage à Simone de Beauvoir, avait cherché à sortir les femmes du continent noir d'une sexualité dite inexplorable, une sexualité colonisée. Et la pieuvre, ça renverrait peut-être, je ne sais pas, au poulpe d'Okusai, c'est-à-dire à une imagerie de la jouissance féminine, d'un corps féminin abandonné, déployé, dont chaque millimètre d'épiderme serait ouvert, offert, donné à la rencontre charnelle, au contact, au toucher, à la caresse, à la pénétration. Il y a ce déploiement du corps féminin qui dépasse largement les limites du corps humain et qui rejoint le monde animal, végétal. Violette Duc va énormément travailler ça. Thérèse et Isabelle, c'est comme une avalanche d'images poétiques puisées dans la nature. Et c'est aussi une manière de dire que la sexualité féminine n'est pas du tout rattachée à la honte, mais qu'elle est naturelle, à tous les sens qu'on peut entendre. Hein, naturel, la bâtardise, le naturel, c'est le serpent de la Genèse, mais c'est aussi qu'elle n'est pas honteuse. Chez Violette Leduc, la honte n'est jamais dans la sexualité. Elle est du côté de la société qui exclut, qui identifie, qui détermine, mais la sexualité n'est pas honteuse. Et c'est peut-être aussi un autre élément qui rend l'épisode illisible, c'est-à-dire que cet érotisme, l'érotisme généralement, c'est la transgression d'un interdit. L'interdit, il n'est pas du tout moral chez Violette Leduc. C'est ce qu'elle appelle la pudeur. C'est-à-dire que pour qu'il y ait désir, érotisme, intensité poétique, il faut qu'il y ait une limite qui soit à transgresser. Et c'est aussi une source de jouissance de toujours maintenir cette limite. qui est aussi le corps de l'autre, la présence de l'autre, le contact. Hein, le plus impudique, c'est peut-être de réussir à dire le contact, le frottement des peaux, la pénétration, et tout ça, elle y va. Et donc, la pieuvre, ça serait cet animal sous-marin de la féminité. Et c'est intéressant l'extrait du film de Siama, parce qu'on pense d'abord que Floriane est ce personnage qui domine un petit peu la relation, mais Marie, elle est attirée par quelque chose en Floriane qui n'est pas on pourrait dire son sex appeal auprès des garçons, qui n'est pas ce qui l'attire en Floriane, ce n'est pas sa visibilité sociale, sa mondanité, même si elle est également isolée à sa manière. Mais c'est peut-être cette pieuvre qu'elle sent dans être là, cette présence sous-marine qu'elle guette. Et je trouve qu'on peut vraiment comparer l'extrait sonore là, du film de Siama et un des extraits de Thérèse et Isabelle qui a été lu tout à l'heure. Dans la rencontre entre Thérèse et Isabelle et Floriane et Marie, il y a ce guet animal. C'est-à-dire que c'est le corps, c'est l'animal dans le corps, c'est le corps qui guette et qui écoute les bruits du corps de l'autre. Et il y a cette tension-là que les deux artistes, Siama et Leduc, travaillent. Elles décentrent la narration, elles développent un point de vue qui n'est pas celui du récit, mais qui est le point de vue du corps, qui devient autonome. Et si on regarde bien la manière dont Violette Duc va écrire l'érotisme, les organes deviennent autonomes. Il y a toujours des images, des métonymies, etc. La langue trop charnue, le sexe étrange, les lèvres, mon cœur. Le corps prend le dessus et voilà, comme si la pieuvre remontait des profondeurs. Alors comment se passe la rencontre, une autre rencontre qui a énormément compté pour Violette Leduc, la rencontre avec Simone de Beauvoir? À quel moment se rencontre-t-elle et que se passe-t-il avant qu'on entende un extrait de la version de Violette Leduc dans L'Affamée, justement? Alors c'est en 1945 que Violette Leduc et Simone de Beauvoir se rencontrent autour du manuscrit de L'Affamée, et c'est l'événement. Violette Leduc va écrire le récit L'Affamée autour de cet événement de la rencontre, mais qui est très lié à Thérèse et Isabelle. Au moment où Violette Leduc écrit Thérèse et Isabelle, elle est dans ce qu'elle appelle la chasteté forcée. Elle aime Simone de Beauvoir, elle lui voue une passion démesurée, et Beauvoir est une amie, elle est très présente, elle est très patiente, elle écoute, elle encourage, elle publie, mais elle déclare son indifférence vis-à-vis des sentiments de Leduc à son égard. Et cette chasteté forcée va devenir une chasteté fabuleuse qui va donner lieu à l'écriture érotique de Violette Leduc. Alors, dans L'Affamée, sous la forme de fantasmes, d'hallucinations surréalistes presque, dans Thérèse et Isabelle, sous la forme d'un texte érotique, mais elle dit souvent dans ses lettres à Beauvoir que c'est à elle qu'elle pense lorsqu'elle se souvient d'Isabelle. Je n'ai jamais écrit de moi-même, je l'avoue. J'ai obéi. J'ai obéi à Maurice Saxe quand il m'a dit « Prenez un cabas, un cahier que vous mettrez dedans, un porte-plume, allez sous un pommier. Vous m'ennuyez, pour ne pas dire un mot plus grossier. » Avec vos malheurs d'enfance, écrivez-les, essayez de les raconter. » J'ai commencé un après-midi, sans y croire. Il m'a dit « Bien ma chère, maintenant vous n'avez plus qu'à continuer. » Quand le soir, comme un bon écolier ou une bonne écolière, je lui ai montré mon petit travail. Là-dessus, il est parti pour l'Allemagne. Bon, je suis venue à Paris, j'en passe. Simone de Beauvoir a eu ce manuscrit dans les mains. Il lui a plu, elle l'a montré à Sartre, ça lui a plu aussi. Simone de Beauvoir est devenue une amie. Elle m'a demandé de continuer... Ça, c'était le manuscrit de l'asphyxie, oui, mon premier livre. Elle m'a demandé de continuer d'écrire. J'ai continué d'écrire. Mais j'ai toujours soutenu à Simone de Beauvoir que si je n'avais pas rencontré ça, si quelqu'un ne m'avait pas donné le coup de pouce, de moi-même, je n'aurais pas eu l'audace d'écrire. Et j'ai toujours soutenu que écrire, pour moi, ce n'était pas une vocation. Elle a levé la tête. Elle a suivi son idée sur mon pauvre visage. Elle ne le voyait pas. Alors du fond des siècles, l'événement est arrivé. Elle lisait. Je suis revenue dans le café. Elle suivait d'autres idées sur d'autres visages. J'ai commandé une fine. Elle ne m'a pas remarquée. Elle s'occupait de ses lectures. Quand elle arrive, on nettoie le café, ou bien on finit de le nettoyer. Le carrelage sèche, on le voit sécher. Un carreau trop pâle, un carreau trop rouge. Plus il est fade, plus il sèche. Les chaises sont sur les tables, deux par deux, renversées l'une sur l'autre. Les tables dégraissées supportent ces enlacements obscènes. On passe la main sur le marbre humide, on a un frisson. Cette propreté qui s'envole me calme. Le patron a déposé sa gueule de patron à la caisse. Il astique. Il a travesti la moitié de son corps avec un tablier. Son sexe, auquel on ne pensait pas, est derrière un paravent de toile bleue. Les garçons l'aident. Ils ont ressuscité des mouvements non automatiques. La porte du café est ouverte. L'odeur du tabac vadrouille. La rue a l'exclusivité des bruits. Le café où elle va me fait peur. J'évite son soupçon de bonjour. Je veux rester au bord de l'événement, pareil à une sentinelle devant la caserne. Écrire n'est pas une vocation, disait Violette Leduc dans l'extrait que vous avez entendu juste avant. Elle a écrit parce qu'elle était contrainte à le faire, dit-elle. C'était un extrait de l'émission À voix nue sur France Culture en 1967. Sa rencontre avec Simone de Beauvoir est déterminante pour l'écriture parce que celle-ci va l'encourager à écrire, mais va même justifier un certain rapport à l'écriture. Et pourtant, quand on lit le début de L'Affamé, c'est ce qu'on vient d'entendre, lu par Maëlie Trigourdeau, on se rend compte à quel point cette rencontre a quelque chose d'absolument inégal. C'est presque une rencontre ratée, un événement pour Violette Leduc et une totale indifférence de la part de Simone de Beauvoir, Anaïs France. Oui, on peut le dire comme ça. Alors, peut-être que L'Affamé a justement été écrit pour conserver le mirage du miracle que représente cette rencontre pour elle. Il y a ici de nouveau le travail de l'énonciation, toujours ce pronom indéfini « on » qu'on trouvait aussi dans les textes de Thérèse et Isabelle et qui font qu'on entre dans le texte de Violette Leduc à partir d'un point de perception, et ce qu'elle perçoit, c'est ce présent, cette surprésence que produit l'événement de la rencontre. Dans une rencontre, le réel devient hyper présent, on pourrait dire. Et comment vivre cette surprésence ? Eh bien, c'est la littérature qui est là pour accueillir ce qui est invivable. Quand on parle d'impossible, la rencontre avec Beauvoir est impossible, leur histoire est impossible. Cet impossible, il n'est pas négatif ici, c'est un potentiel. C'est le potentiel de la rencontre qu'elle essaye d'encapsuler en écrivant L'Affamé. Garder tout ce mirage, ce miracle de la rencontre qui n'est pas vivable dans sa vie. Et pourtant, la rencontre aura vraiment lieu. Elle va vraiment se lier d'amitié avec Simone de Beauvoir. Donc, qu'est-ce qui rate ? C'est la rencontre érotique ? Alors, oui. Lorsqu'elle va écrire Thérèse et Isabelle, Violette Leduc est arrivée à un point de sa passion malheureuse. Elle a dit à Beauvoir que une rencontre non aboutie sexuellement n'existe pas. Il y a une impuissance, une frustration énorme. Cependant, bien sûr, il y a une amitié extraordinaire qui va se nouer entre les deux écrivaines. Elles vont se rencontrer deux fois par mois au café. Même si Beauvoir qui acquiert de plus en plus elle devient de plus en plus célèbre au fil des années, et donc elle voyage beaucoup. Mais elle va aider Violette Leduc à écrire, même financièrement. Alors, oui, ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. Violette Leduc, comme Van Gogh, comme beaucoup d'artistes maudits, ont besoin d'un soutien matériel pour pouvoir créer, tout simplement. Et Simone de Beauvoir va donner une pension à Leduc. Au début, elle va lui faire croire que c'est Gallimard qui la paye pour écrire, parce que ça valorise énormément son identité d'écrivaine. Et puis Violette Duc va apprendre que c'est Simone de Beauvoir qui la paye, hein, qui lui donne de l'argent pour qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse écrire. Et bien sûr, Simone de Beauvoir, elle est présente, elle la conseille, elle la relit avec beaucoup de patience. Et elle oriente l'œuvre. Hein. Qu'est-ce que serait devenue l'œuvre de Violette Duc après l'asphyxie, l'affamée, des textes très très originaux, très singuliers? Qu'est-ce qui serait devenu s'il n'avait pas été orienté par les conseils de Simone de Beauvoir, qui était beaucoup plus intéressée par l'autobiographie que par la poésie, par exemple? Et en même temps, Beauvoir permet la publication, elle va permettre la publication de Ravage malgré toutes les coupes. Une censure est toujours suivie d'autocensure, donc c'est très très difficile de dire si Beauvoir a censuré Violette Duc. Moi, je ne le pense pas, mais c'est sûr qu'elle a marqué l'œuvre. Madame, je me repens, je vous demande pardon. Vous êtes la lumière, je suis l'obscurité. Vous êtes la beauté, je suis la laideur. Vous êtes la force, je suis la faiblesse. Vous êtes le courage, je suis le découragement. Vous êtes la vivacité, je suis la lenteur. Vous êtes la réussite, je suis l'échec. Vous êtes la confiance, je suis la méfiance. Vous êtes l'effort, je suis la paresse. Vous êtes célèbre par votre intelligence, votre éveil, votre travail. Il y a un abîme entre nous, mais cet abîme ne m'effraie pas. Moi, zéro magnifique, j'ai l'audace de persévérer. C'est un extrait de Trésor à prendre, hein, 1960, qui est un journal de voyage en Aveyron. Violette Leduc part seule voyager avec son sac à dos sur les conseils de Simone de Beauvoir, qu'elle appelle Madame. Et ces quelques lignes sont incroyables, Anaïs France, parce qu'elle se qualifie de zéro magnifique. Et là aussi, dans ce zéro magnifique, on sent qu'à la fois, il y a ce renoncement, cette humiliation presque qu'elle sent au contact de Simone de Beauvoir, mais c'est comme si elle y trouvait son compte. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une forme de jouissance dans la honte ou dans le dénigrement de Violette Leduc à l'égard d'elle-même? Oui, c'est possible. En tout cas, la résistance de Beauvoir face à ses sentiments, à son élan intempestif, devient un tremplin. Hein, c'est toujours la question de l'érotisme. Comment les limites permettent d'intensifier la transgression. Donc, cette résistance, cette indifférence, elle est presque nécessaire à l'écriture. Et c'est là-dedans qu'elle va écrire La Famée, qu'elle va écrire Thérèse et Isabelle. Alors, c'est intéressant de comparer la place d'Isabelle ou de Madame dans La Famée ou dans Trésor à prendre, parce que avec Isabelle, il y a une réciprocité. Et je le disais tout à l'heure, une grande spécificité du texte érotique Thérèse et Isabelle, c'est qu'il est fondé sur le dialogue érotique. C'est-à-dire que les deux personnages échangent dans le discours ce qui se passe au niveau des corps, des sensations. Et c'est très impudique. Et en même temps, il y a cette réciprocité qui fait que la relation avance à tâtons, corps et mots parallèlement. Alors qu'avec Simone de Beauvoir, on retrouve cette verticalité qu'on avait dans l'asphyxie avec vis-à-vis de la mère, de cette énonciation. Sauf que Simone de Beauvoir, la première rencontre avec Simone de Beauvoir, c'est avant qu'elle la rencontre physiquement, c'est Violette Duc a vu un livre. L'invité, un gros roman écrit par Simone de Beauvoir, et Beauvoir lui ouvre soudain le destin d'une femme qui peut écrire. Elle dit « une femme écrivait comme si toutes les femmes pouvaient écrire ». Et Simone de Beauvoir devient la possibilité d'ouvrir ce destin d'écrivaine pour Violette Duc. Donc là où la mère écrase avec cette énonciation verticale, ces mots qui tombent comme des coups, l'indifférence de Beauvoir, elle est une sorte de tremplin pour écrire. On arrive presque au terme de l'émission Anaïs France, mais je m'en voudrais de la terminer sans avoir mentionné un troisième type de rencontre qu'on trouve dans l'œuvre de Violette Leduc, La chasse à l'amour. C'est le dernier volet de l'autobiographie de Violette Leduc, publié de manière posthume en 1973 par Simone de Beauvoir. Et on y découvre la rencontre avec René. René, qui est la dernière histoire d'amour donc racontée dans l'œuvre et qui est racontée comme une première histoire Et voici comment la narratrice de 50 ans décrit René, qui est donc un jeune homme. « Je le vis d'abord dehors. » Il appuyait le guidon de son vélo de course contre le mur. Il entra en familier de la maison. Ensuite, il avança entre les tables, le regard droit. Hauteur et détachement. Ses yeux bleus frappaient. Deux boucles de cheveux châtains à peine formées empiétaient sur le front. Ce sont de ces visages inhabituels. La ligne droite triomphe avec un regard. L'os du nez est impeccable de netteté. Irruption d'un musée dans un café. Une tête sculptée en déplacement. Visage vivant, cependant. Le buste était moulé dans un maillot de corps hardiment découpé. Les bras bronzés, deux orgueilleux sans biceps apparents. Je me souvenais de ces chaussettes noires qui montaient jusqu'au milieu des mollets, de ses grosses chaussures à cajou couvertes de poussière quand il avait tourné le guidon vers le mur avec un geste d'expert. Si le haut était exceptionnel, le bas était plutôt grotesque, malgré la perfection des mollets. Les chaussettes tirées avec des jartelles invisibles étonnaient. Un homme s'était mis à l'aise au-dessous d'une tête de statue grecque. J'étais confuse. Quelle différence avec les textes qu'on a entendus jusque-là, Anaïs France? Est-ce que ça tient au fait qu'ici, elle décrit la rencontre avec un homme, ou est-ce que c'est son écriture qui a changé? Oui, alors il faut lire cette rencontre avec René, et ce René, le jeune maçon, qui est la représentation de la virilité pour Violette Leduc. Et j'ai eu la chance de consulter les manuscrits de La chasse à l'amour, et on y trouve énormément de formules virilité, virilité, je suis la petite femme de Paris avec un homme dans mon lit. Donc il y a cette apparition, évidemment, qui bouleverse complètement l'ordre habituel de l'apparition de la femme dans les récits réalistes. Ici, c'est l'apparition de René comme incarnation de la virilité avec ce vélo phallus qui l'accompagne. Il a l'air plutôt ridicule. Pourtant, moi, quand je lis ce texte, ce que je retiens, c'est les chaussettes noires qui montent jusqu'au milieu des mollets. Oui, c'est le souci du détail de Violette Leduc qui est franche. Elle est toujours... Elle n'arrange pas le réel et elle le rend désirable tel qu'il est. Mais elle va découvrir l'amour possible avec un homme à 50 ans, parce qu'il n'y a plus la menace de reproduire la malédiction de sa lignée de femme, de bâtardise. Violette Leduc vient d'une double famille de bâtards. Donc elle a ça sur les épaules, et sa mère l'a élevée dans l'interdiction d'une sexualité avec des hommes, parce qu'il y a le risque de la grossesse sans avortement possible à l'époque. Ah, vous voulez dire que son homosexualité serait aussi une manière de ne pas se reproduire? Disons que l'homosexualité n'est pas du tout tabou, ni pour sa mère, ni pour elle-même. Elle est plutôt naturelle et très acceptée. Elle évite la reproduction de la honte qui est, elle, liée à l'hétérosexualité à la peur d'être abusée et abandonnée qui marque la famille de Violette Leduc. Mais il y a un vrai désir pour le corps féminin dans son œuvre. C'est pas simplement une décision de ne pas aller avec des hommes de peur de se reproduire. Il y a un vrai désir pour le corps féminin. Enfin, dans les textes, en tout cas. Oui, bien sûr. Et pour le corps masculin également. Violette Leduc est une grande amoureuse. Hein, elle aime énormément la vie. Et dans Ravage, l'épisode central avec Marc raconte aussi une histoire avec un personnage masculin où elle va expérimenter sexuellement énormément. Elle est également amoureuse d'hommes homosexuels. Donc il y a un attrait tout vraiment très très très important pour le corps masculin, pour le corps féminin. C'est Violette Leduc ne partage pas dans son œuvre. En fait, on pourrait dire, et là c'est quelque chose qu'on retrouverait dans le cinéma de Siama, chaque relation est racontée de manière unique. De même que dans Thérèse et Isabelle, il y a trois nuits, et à chaque nuit, il y a un sexe différent qui s'active. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une représentation de la rencontre au singulier, toujours unique, et qui ne correspond pas à des modèles préexistants. Merci beaucoup Anaïs France d'être venue, enfin d'être restée chez vous, mais de nous avoir parlé, de donner envie de lire surtout les textes de Violette Leduc. On mettra en ligne les références des ouvrages que vous avez dirigés et co-dirigés autour de Violette Leduc pour inviter, pourquoi pas, à la lecture de non seulement de vos textes, mais à ceux de Violette Leduc. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Toi qu'elle préfère, c'est le titre de la chanson d'Alice et moi qui nous conduit sur France Culture les chemins de la philosophie en direction du journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Prendre du recul, faire le plein d'énergie, revenir à l'essentiel, ce sont les quelques expressions que l'on entend et qu'on lit un peu tout le temps sur les couvertures des magazines, sur les plateaux télé et parfois radio, et que même des amis ou nos parents peuvent nous dire quand on se dit fatigué ou inquiet. Elles culminent à l'approche de l'été et se condensent souvent à cette injonction, se ressourcer. Se ressourcer est vraiment un très joli mot. On y entend le bruit d'une source d'eau, on y distingue le calme d'un lieu champêtre à l'abri de la rumeur citadine, on y perçoit aussi les origines, un retour aux sources salvateurs et authentiques. En un peu moins poétique, c'est aussi l'argent, les ressources humaines, le mental, bref, tout ce qui nous donne l'énergie d'agir, de continuer, de tenir. De manière générale, qu'on puisse dans un cours d'eau ou en nous, dans notre compte bancaire, se ressourcer à, malgré ses allures bucoliques, un aspect intéressé. On ne se ressource pas comme ça, de manière gratuite pour le plaisir, mais toujours en vue d'une fin qui dépasse largement ses moyens et ce moment. La ressource, quoi qu'on en dise, quoi qu'on y voit, est cette petite musique typique du développement personnel, dont la finalité n'est bizarrement jamais la personne, mais le développement en tant que tel. Et c'est une des choses qui m'a toujours frappée dans cette littérature. Pourquoi donc vouloir se développer? Et pourquoi vouloir se ressourcer pour se développer? Le paradoxe est là. Pourquoi vouloir arrêter sa course, reprendre des forces, puiser de l'énergie, si c'est au final pour reprendre la course telle qu'elle, pour continuer, pour tenir coûte que coûte? Là est le problème posé par le fait de se ressourcer. Tient-il aux ressources disponibles pour se développer ou dans le développement en tant que tel? Faut-il ainsi s'interroger sur les moyens de la ressource ou sur la fin de la ressource? Hello, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Et cette fois-ci, je ne vous parle pas de lithothérapie, mais d'énergétique. Et je vous présente une méthode simple pour vous ressourcer en énergie, rapidement et avec des techniques simples. Il existe bien sûr des multitudes de techniques pour se ressourcer en énergie et je ne détiens pas la solution miracle, mais je vous donnais quelques pistes que vous pourrez utiliser au quotidien. La critique est classique. On dit que le développement personnel, en prenant des règles pour s'extraire de la course existentielle, fournit au final tous les remèdes pour s'y remettre de plus belle. Autrement dit, alors qu'on pense trouver les outils spirituels pour contrer la fameuse société de la performance, dont je me demande en quoi elle consiste, ces outils-là, et il y en a plein, de l'art d'être zen au retour à l'essentiel, ne font qu'entériner cette efficacité de tous bords. Se ressourcer à cet égard, l'idée de se ressourcer, me semble paradigmatique de cette bizarrerie. Pourquoi donc se ressourcer si c'est juste pour continuer à faire la même chose, mais en plus fort, en plus armé, en plus performant? Et là est le problème de ce terme de ressource. Il est hypocrite, car il n'est qu'un moyen de plus pour persévérer, sans s'interroger sur ce dans quoi et pourquoi on persévère. Mais pourquoi court-on? Pourquoi faudrait-il être efficace, énergique, avoir de la ressource? Cette question-là aussi est classique, elle est même existentielle, traitée et surtraitée par les philosophes. Qu'est-ce qui nous anime? Quel est le but d'une vie? À quoi bon la vivre? Et sans tomber dans la dépression ou le nihilisme, ce simple terme, cette injonction bête et méchante de se ressourcer, nous révèle cette quête insensée et absurde. Mais quand on y pense, et c'est là l'ironie, l'idée de se ressourcer porte pourtant bien son nom. Il s'agit de revenir aux sources. Et la source, s'il y en a une, c'est bien celle-ci, se demander à quoi bon. Capitule, voici donc le problème. On prend au mot l'idée de se ressourcer comme de reprendre de l'énergie en soi ou ailleurs, sans pourtant revenir à la source même de la ressource, de ce pourquoi on a à se ressourcer, de ce pourquoi on devrait à tout prix avoir de l'énergie pour agir, exister et vivre. À l'injonction « il faut se ressourcer », on trouve moult conseils, méditer, faire du sport, voir ses amis, prendre du temps pour soi, comme si on avait besoin de le voir écrit noir sur blanc pour le savoir. On trouve, quoi qu'il en soit, moult déclinaisons pour répondre à la question du « comment se ressourcer ». Mais pourquoi ne jamais poser la question du « pourquoi ». Pourquoi se ressourcer? Vers quoi? En vue de quoi? Pour obtenir quoi? Se développer pourquoi? Il y aurait beaucoup à dire sur cette fameuse société de la performance que beaucoup fustigent tout en la réactivant avec des mantras comme se ressourcer. Mais je suis pourtant d'accord. Oui, il faut se ressourcer. Oui, il faut revenir à la source et se demander sans cesse pourquoi on veut tant tenir. Merci beaucoup Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer ces émissions. Clara de Giovanni aujourd'hui, en compagnie de Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mostin-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Inès de Bruyne. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison et ainsi permis cette émission. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des rencontres amoureuses. Demain, on parlera des sonnets de Shakespeare en compagnie d'Anne-Marie Miller-Blaise. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours, et peut-être plus que jamais, télécharger cette émission, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, au moment de la journée que vous choisirez. Sachez aussi que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos remarques et de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.